Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par M. l'abbé Riche, prêtre séculier du tiers ordre de saint François. Revue et augmentée d'une étude sur les monuments franciscains. Markham Dan Archive.org d'après Books Google FR et Archive.org Ambroise Bray 1859 Hébray et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. À la mémoire de M. Louis de Courson, 12e supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, décédé le 10 avril de l'année 1850, à l'âge de 50 ans, trop tôt ravi à la tendresse et la vénération de ses enfants. Hommage de mon filial regret. À M. Auguste Riche, prêtre de Saint-Sulpice, à Paris. Révérend Monsieur, Monseigneur le nonce apostolique à Paris a fait parvenir à Rome les 16 volumes que vous désiriez offrir au Saint-Père comme hommage filial, en même temps que la lettre profondément respectueuse qui les accompagnait. Ces volumes et cette lettre, c'est moi qui les ai remis aux mains vénérées de sa sainteté, et je me réjouis de vous faire connaître que l'auguste pontife a daigné agréer ce témoignage de votre vénération particulière envers sa personne sacrée avec une vive satisfaction. Il l'a exprimé dans les termes d'une bienveillance toute paternelle pour l'infatigable auteur de tant d'ouvrages scientifiques et religieux, qui ont obtenu déjà un si grand succès de propagande, non seulement dans leur langue originale, mais encore dans plusieurs traductions. Il m'est très agréable de vous notifier l'accueil fait à votre offre par le chef de l'Église, bien assuré que cette bienveillance, avec la bénédiction de sa sainteté vous seront d'un grand encouragement, dans les conditions où vous vous trouvez. Après de longues années passées dans l'exercice du saint ministère et dans les fatigues occasionnées par vos œuvres, c'est dans cette assurance que je me félicite d'avoir à vous exprimer les sentiments d'estime distingués avec lesquels je suis, révérend monsieur, votre très affectueux dans le Seigneur, cardinal Jacobini, Rome, le 21 février 1883. Introduction. Il y a près de 600 ans déjà, lorsque l'Europe presque tout entière redisait avec admiration les vertus et les prodiges de saint François d'Assise, un religieux de son ordre conçut le projet de les recueillir pour l'édification de ses frères. C'était un travail bien doux et bien facile pour lui. Il avait à peine un demi-siècle que son bienheureux père avait quitté la terre pour aller recevoir sa couronne dans les cieux, et, des frères qui avaient eu le bonheur de vivre en sa compagnie, dans ses dernières années, racontaient encore avec attendrissement tout ce qu'ils savaient de sa vie merveilleuse. Aussi bien, le bon frère avait reçu de Dieu les dispositions les plus propres pour exécuter heureusement son dessein, une grande facilité dans l'expression, une sensibilité exquise, une simplicité de colombe, et par-dessus toute une piété vraiment angélique. Il se mit donc à l'œuvre. Et d'abord, il se représenta la vie de saint François et de ses premiers compagnons comme un vaste jardin tout émaillé de fleurs. Il y entra, cueillit une à une chacune des vertus, chacun des prodiges qui se présentaient à ses yeux. Puis il en fit un bouquet qu'il appela gracieusement Fioretti ou Petite fleur de saint François. Mais il était une fleur qui l'emportait sur toutes les autres par son odeur et par sa beauté, c'eût été lui faire perdre de son éclat que de la confondre avec les autres, il fallait l'accueillir séparément et la présenter seule avec tous ses charmes. Le pieux franciscain le comprit, et la seconde partie de son livre fut intitulée « Considérations sur les sacrés saints stigmates de saint François ». Deux compagnons du bienheureux fixèrent ensuite son attention. Le caractère sous lequel il se présentait l'avait plus vivement frappé, il résolut de tracer au moins les principaux traits de leur vie. Il commença par frère Juniper, c'était bien la biographie la plus singulière qu'il entreprenait là. Il voulut sans doute que la forme qu'il lui donnerait répondît au fond, et vraiment il était difficile de mieux réussir. Vous arrivez au premier chapitre de la vie du frère Juniper, vous vous attendez à trouver des détails sur son origine, sa vocation, rien de tout cela, voici que le titre vous annonce tout d'abord une histoire, mais une histoire si bizarre, que, vous ne pouvez revenir de votre surprise. Nous l'avouerons. Nous nous trouvions entièrement déconcertés en arrivant à cette partie des Fioretti, nous cherchions à nous rendre compte de tous les détails de cette vie par des principes tirés de la foi, et toujours il nous semblait qu'il y avait là quelque chose de plus que la folie de la croix. Enfin, nous avons trouvé l'unique et véritable raison de cette singularité, qui s'explique fort naturellement. On lit, dans le chapitre 3e de la vie de frère Juniper, qu'il fut cruellement tourmenté par les ordres d'un seigneur appelé Nicolas. Or, nous apprenons, par l'auteur des conformités de saint François, que le pauvre frère eut alors la tête si rudement martelée, qu'elle ne se retrouva jamais parfaitement saine. Il faut avouer cependant, qu'il y a, dans cette vie du bon frère des exemples de vertu capables de confondre les sages qui s'en moqueraient, et, quand on connaît la raison des pieux excès de son zèle, on est enchanté de les trouver racontés avec tant d'enjouement et tant de simplicité. La vie de frère Juniper est suivie de celle du frère Égide. On y reconnaît sans peine le disciple formé par les soins de saint François, et l'on admire qu'il ait su retracer si fidèlement les vertus de celui qu'il avait choisi pour son modèle. Enfin, les Fioretti sont terminés par la doctrine de frère Égide. Ce ne sont pas des dissertations savantes, ni des théories abstraites sur les vertus. Le saint frère croyait, avec raison, qu'il valait beaucoup mieux disserter un peu moins et pratiquer un peu plus. Sa doctrine, c'est la vie de saint François, et, de ses premiers compagnons réduite en principe de vertu pratique. Rien de plus. Il semble que l'auteur des Petites Fleurs ait voulu nous dire, en finissant ainsi, vous avez admiré les saints dont je vous ai raconté les prodiges, mais ce n'est pas assez, il faut, avant tout, imiter leurs vertus, or, voici celle à la pratique desquelles ils s'attachaient spécialement et à la manière dont ils s'y conformaient dans leur conduite. Puis, il expose simplement les fruits qu'on peut retirer de ces vertus, l'aveuglement de ceux qui les négligent. Et c'est ainsi que finissent les petites fleurs, à la louange de Jésus-Christ et de saint François, son petit pauvre. On ne regrette qu'une chose en parcourant ces intéressantes légendes, c'est de ne pas en connaître l'auteur. On aimerait savoir à qui l'on est redevable du plaisir qu'on éprouve, afin de l'en remercier dans son cœur et de répéter son nom devant Dieu. Pourquoi donc a-t-il voulu se dérober à la reconnaissance? Nous pouvons conclure certainement, d'après les Fioretti, que c'était un moine franciscain qui vivait vers la fin du XIIIe siècle, mais les longues recherches que nous avons faites pour découvrir son nom ne nous ont conduit à rien de certain. Ah sans doute, le bon frère voulait bien de l'immortalité cependant, mais au ciel, avec son bienheureux père saint François. Voyageur étranger sur terre, que lui faisait à lui de laisser, en passant, son nom à la postérité. Note. D'après Wadding, l'auteur des Fioretti serait un contemporain de saint François, nommé Hugolin de Mont-Sainte-Marie, mais, en le faisant en même temps l'historien contemporain du bienheureux Jean Firmin, le célèbre analyste nous donne lieu lui-même de le soupçonner d'inexactitude, puisque, dans cette hypothèse, Hugolin n'aurait pu commencer son histoire du bienheureux Firmin qu'à l'âge de plus de 100 ans. Si tout l'effort du mysticisme est de faire que l'homme s'oublie devant Dieu, dit Ozenam, dans les poètes franciscains, il ne faut pas s'étonner que l'auteur de l'imitation ait voulu rester ignoré, ni que toute la poésie franciscaine vienne aboutir à une œuvre charmante, mais anonyme, ce sont les petites fleurs de Saint François. Elles ressemblent vraiment aux fleurs, qui ne publient pas le nom de leur jardinier, mais qui annoncent leur saison. Tout dans ce livre respire la foi, la naïveté du Moyen-Âge, des indices incontestables y font reconnaître la première moitié du XIVe siècle, mais on n'a que de faibles conjectures pour y soupçonner la main de Jean de Saint-Laurent, de la noble famille florentine de Marignolles, que son savoir et sa vertu firent élever, en 1354, au siège épiscopal de Bisignano. À vrai dire, un livre pareil n'a pas d'auteur, il se fait peu à peu et comme par le travail de tout un siècle. Fin de la note. Quand on est sincèrement chrétien, quand on sent dans son cœur un vif amour de Dieu, quand surtout on n'a pas peur des saintes et généreuses folies de la croix, en vérité, c'est un bonheur que de rencontrer, après plus de 5 siècles, ces gracieuses pages, de pouvoir reposer ses yeux fatigués sur ces petites fleurs, et de savourer le délicieux parfum qu'elles exhalent. Il y a là une piété si tendre, une si naïve et si douce poésie. Aussi l'Italie a-t-elle mis au nombre de ses monuments littéraires les plus précieux cette antique production de sa langue, qu'elle ne s'est pas encore lassée d'admirer et d'aimer. Mais pourquoi donc ce petit chef-d'œuvre est-il demeuré caché pour nous jusqu'à ce jour? On fouille péniblement dans le passé pour en extraire tout ce qui peut exciter l'intérêt et la curiosité de notre époque. Comment donc se fait-il que les Fioretti soient restés dans l'oubli et que personne n'ait entrepris encore de nous en révéler les beautés? Note. Quelques jours seulement après la publication de ma première édition des Fioretti, une circonstance assez singulière m'apprenait que la pensée de traduire cet ouvrage avait mis à l'œuvre une plume beaucoup plus exercée que la mienne. Frédéric Ozanam m'avait rendu de si précieux services dans le cours de mes précédentes études, que je me fis un plaisir d'aller lui présenter moi-même un hommage de mon livre. Contre son habitude, je le trouvais soucieux et embarrassé, et comme je lui en faisais tout simplement l'observation, il m'en donna la raison avec la même simplicité. Lui-même, alors, venait de terminer la traduction des Fioretti, ce travail avait intéressé vivement sa piété et sa curiosité littéraire, et il était sur le point de le publier. J'arrivais donc dans les circonstances les plus inopportunes. Quelques jours après, M. Ozanam avait lu mon livre, et il me déclarait que le sien devenait inutile, puisque j'avais rendu sa pensée sur les Fioretti. Il se contenta, plus tard, de donner, dans ses poètes franciscains, un choix de 33 chapitres pris dans la première partie, et il voulut bien alors rendre public le témoignage particulier qu'il m'avait exprimé déjà, en déclarant, dans une note, que les Fioretti avaient été complètement traduites par M. l'abbé Riche, et que sa traduction est intelligente et bien écrite. Qu'ont fait les poètes franciscains en Italie? En 1853, j'étais en Italie, lorsque Dieu enleva au monde catholique cet homme, jeune encore, qui venait d'être une de ses principales gloires. C'est moi qui en donnai la première nouvelle au Saint-Père, Pie IX. Dans une audience que j'eus l'honneur d'obtenir alors, et sa sainteté qui connaissait le mérite, les services et les vertus de Frédéric Ozenam, me laissa voir tout le regret qu'elle éprouvait de cette perte vraiment douloureuse. Fin de la note. Telles étaient les réflexions qui nous occupaient lorsque, pour la première fois, nous parcourions les légendes franciscaines. Nous aurions voulu partager avec nos amis le plaisir qu'elle nous avait procuré, et nous nous proposions, dès lors, d'en entreprendre nous-mêmes la traduction, sitôt que nous en aurions le loisir. Mais, dira-t-on, publier actuellement une traduction des Fioretti, n'est-ce pas aller contre les idées généralement admises de nos jours? Nous ne le pensons pas. Malgré les ravages de l'incrédulité, Dieu conserve encore, parmi nous, un petit troupeau d'âmes privilégiées qu'il adore en esprit et en vérité. Ces âmes, nous n'en doutons pas, sauront apprécier et goûter les charmes des petites fleurs de Saint-François. Et puis, parmi ceux-mêmes chez qui le sentiment religieux est presque éteint, il en est beaucoup qui commencent à se lasser de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient. Nous ne voulons pas dire qu'il y ait encore réaction, les voies de Dieu sont impénétrables et les mystères de sa miséricorde sont connus de lui seul, mais n'est-il pas vrai, néanmoins, que bien des hommes se sentent mal à l'aise dans l'atmosphère qu'ils respirent? N'est-il pas vrai que plusieurs, après avoir déjà fourni une longue carrière, s'arrête, jette un regard en arrière et se demande avec anxiété s'il n'y aurait pas un moyen de revenir sur leurs pas? N'est-il pas vrai, enfin, que beaucoup seraient chrétiens, et sincèrement chrétiens, si la peur, si l'amour propre, si l'intérêt surtout ne refoulait la pensée du ciel qui surgit dans leur âme? Eh bien, nous le croyons, si un livre tel que les Fioretti venait à tomber entre leurs mains, ces hommes le liraient avec intérêt, et s'ils ne comprenaient pas tout ce qu'il renferme, au moins seraient-ils sensibles à la naïveté, à la gracieuse simplicité, à la fraîcheur de poésie qu'ils y trouveraient, et qui sait s'ils n'en recueilleraient pas une de ces impressions de la grâce dont ils ne pourraient pas bien se rendre compte alors, mais qui produiraient cependant ces fruits en son temps? Les âmes pures et droites devant Dieu, les âmes désenchantées des illusions du siècle et qui sentent le besoin de s'attacher à quelque chose de plus constant et de plus vrai, voilà donc celles auxquelles nous adressons spécialement nos petites fleurs. Maintenant surtout que ce petit ouvrage, imprimé pour la première fois en 1848, a traversé les temps les plus orageux d'une grande révolution, c'est avec une confiance toute nouvelle que nous le représentons au public dans cette troisième édition. Le sentiment religieux qui s'est réveillé dans les esprits, depuis quelques années, n'a certainement pas diminué, il s'en faut bien. Et, si les leçons de la Providence n'ont pas changé tous les cœurs ni calmé toutes les passions, on peut assurer, néanmoins, qu'un bon nombre d'esprits les ont comprises, pour s'en servir dans la pratique. Et puis, il est un noble encouragement, une bénédiction précieuse qui a porté bonheur à la deuxième édition des Petites Fleurs de Saint François d'Assise, et qui les accompagnera, nous l'espérons, dans leur publication suivante, quelques mois avant de les représenter, pour la seconde fois, aux lecteurs chrétiens. Le traducteur avait l'honneur de les déposer, avec d'autres ouvrages, au pied du vicaire de Jésus-Christ, et le Saint-Père daignait l'encourager dans ses travaux, lui donner ses avis, et le bénir avec toute la bonté d'un père. Mais, nous le sentons, une tâche nous reste à remplir, nous n'aurions rien fait sans cela. Ce livre ressemble si peu à ce qui se publie de nos jours, il est si étranger à nos mœurs, à nos manières de voir, qu'il lui faut, pour ainsi dire, une clé qui en donne l'intelligence. Essayons donc ce travail préliminaire, et commençons d'abord par jeter un rapide coup d'œil sur l'ensemble de la vie de Saint François. Entre le Tupino et l'eau qui descend de la colline choisie pour sa demeure par le bienheureux Hubal, sur la côte fertile qui s'abaisse de cette haute montagne, naquit au monde, 1182, dit Dante, paradis, chant 21, un soleil comparable au nôtre, un soleil qui devait réjouir l'Église par l'éclat de ses vertus. Une étable et un peu de paille reçurent François Bernardon, le plus ardent, le plus transporté, et, si j'ose ainsi parler, le plus désespéré amateur de la pauvreté qui ait peut-être été dans l'Église, confère Bossuet, panégyrique de Saint François d'Assise. Comme autrefois, au jour de la nativité du Sauveur, des hymnes célestes retentirent autour de son berceau et présagèrent la haute mission que devait remplir un jour le nouveau-né. D'heureuses dispositions se manifestèrent de bonne heure dans le jeune François, une douceur attrayante, de la vivacité, du jugement, du courage et surtout une forte inclination à donner au-delà même de ce qu'il possédait. Jaloux de posséder cette âme privilégiée, l'esprit de séduction redoubla d'efforts pour la captiver par ses artifices. François se laissa d'abord éblouir, des projets de grandeur et de gloire l'occupèrent dans ses premières années, mais une longue maladie, jointe à des angoisses spirituelles, l'arrachèrent définitivement au monde pour le donner à Dieu sans partage. Un jour, après un repas somptueux, la troupe joyeuse et turbulente de la jeunesse d'Assise parcourait la ville en chantant. François, contre son habitude, s'était retiré seul à l'écart et il marchait tout pensif. Ses compagnons s'en aperçurent et lui demandèrent, en riant, le sujet d'une si profonde rêverie. « Je songeais à prendre une épouse, » répondit François, « mais une épouse si noble, si riche et si belle qu'il n'y en a point de semblable au monde. » C'en était fait, l'Esprit de Jésus-Christ crucifié venait de descendre sur lui, et, dès ce moment, l'amour de la croix, du détachement des créatures, et de la pauvreté, devenait sa grande et unique passion. Cependant Bernardon ne voyait pas avec plaisir les pieuses largesses de son fils, il alla même jusqu'à le citer devant l'évêque d'Assise, dont il était justiciable, en l'accusant de détourner, au profit des pauvres, le fruit de son négoce. Vico de Séquin dit reçut François avec bonté, et, loin de le condamner, il l'encouragea dans ses projets en l'exhortant à mettre en Dieu seul son espoir et sa confiance. Alors, comme s'il eût été soudainement inspiré, le jeune homme se lève, se dépouille de ses vêtements et les jette aux pieds du pontife, en disant « Jusqu'à présent, j'ai appelé Pierre Bernardon mon père, désormais, je puis dire hardiment, notre père, qui êtes aux cieux. Ô Dieu éternel, s'écrie ici le grand Bossuet, que vous inspirez de belles réponses à vos serviteurs, quand ils se laissent conduire à votre Esprit Saint. Quelle éloquence assez forte, quel raisonnement assez magnifique pourrait égaler la majesté de cette parole, ô la belle banqueroute que fait aujourd'hui ce marchand. Ô homme, autant incapable d'avoir des richesses que digne de n'en avoir pas assez, digne d'être écrit dans le livre des pauvres évangéliques et de vivre dorénavant sur les fonds de la Providence. Confère panégyrique de Saint François. François avait 24 ans lorsqu'il fit au monde cet adieu solennel, entré dès lors, Selon son désir, dans la vraie liberté des enfants de Dieu, il embrassa plus étroitement encore la sainte pauvreté. « Ma chère pauvreté, s'écriait-il souvent, je ne puis m'empêcher de t'estimer, depuis que mon maître t'a épousée. » Une caverne solitaire devint son lieu de retraite et de prière. De temps en temps, dans la journée, il la quittait pour aller servir les lépreux, panser leurs plaies et baiser amoureusement ces chers pauvres du bon Dieu, comme on les appelait alors. Et puis, quand le soir était venu, il allait, de porte en porte, demandant son pain au nom de Jésus. « C'est ainsi que tu dois vivre, se disait-il à lui-même, pour l'amour de celui qui est né pauvre, qui a vécu pauvrement, que l'on a attaché nu sur la croix, et qui, après sa mort, a été mis dans un tombeau étranger. » Ainsi se préparait, dans le silence et la mortification, celui que le ciel destinait à de si grandes choses. Mais voici que le temps est venu où Dieu veut le manifester au monde, c'est en vain qu'il cherche à s'enfoncer de plus en plus dans l'oubli, une main puissante va le soulever et le pousser, comme malgré lui, dans la vaste carrière qu'il doit parcourir. Un jour que François assistait à la messe dans l'église de Sainte-Marie des Anges, il entendit ces paroles de l'Évangile, « Ne portez ni or, ni argent, ni aucune monnaie dans votre bourse, ni sac, ni deux vêtements, ni souliers, ni bâtons. » Ce précepte du Sauveur à ses disciples pénétra vivement dans son cœur, « Voilà ce que je cherche, » s'écria-t-il aussitôt, « Voilà ce que je souhaite de toute l'ardeur de mon âme. » Et sur le champ, jetant sa bourse et son bâton et quittant ses souliers, il prend une tunique rude et grossière, se ceint d'une corde, et se met en marche pour aller prêcher la pénitence à ses concitoyens. Cette haute sainteté, ce complet détachement, cette humilité sincère et cette rigoureuse imitation de la vie du Sauveur excitèrent le respect et l'admiration de plusieurs. Et l'on vit bientôt des hommes considérés par leur naissance et leur fortune se réunir au fils de Bernardone, pour entrer avec lui dans la voie de la mortification et nouer l'humble cordon. Le Seigneur bénit et multiplia cette précieuse semence, et François vit sa petite troupe prendre un tel accroissement, qu'il pensa bientôt à lui donner une constitution. Il réalisa ce projet, en prescrivant, outre les trois vœux ordinaires, une renonciation expresse à toute possession et l'engagement de vivre d'aumône. Ensuite, il se dirigea vers Rome pour solliciter l'autorisation du pontife, dont les vertus et les talents illustraient alors la chair de pierre. Étonné d'une entreprise si hardie, Innocent III lui demanda quelles étaient les ressources sur lesquelles il comptait. « J'ai mis ma confiance dans mon Seigneur Jésus-Christ, » répondit François, « celui qui nous promet la gloire et la vie éternelle, ne nous refusera pas la nourriture du corps. Allez donc avec Dieu, cher fils, » reprit le pontife, « et, à mesure qu'il vous éclairera, prêchez à tous la pénitence. » Dès ce moment, François envahit le monde avec sa petite troupe. De l'humble chapelle de Notre-Dame des Anges, dont il a fait comme le Capitole de la pauvreté, il lance un nouveau chevalier de Jésus à la conquête des âmes. « Allez, leur disait-il au moment du départ, voyagez toujours deux à deux. Louez Dieu dans le silence de vos cœurs jusqu'à la troisième heure, alors seulement vous pourrez parler. Que votre parole soit humble, simple et de nature à faire honorer le Seigneur par celui qui vous écoutera. Annoncez partout la paix, mais commencez par la garder dans votre propre cœur. » Ensuite, il leur parlait de la pauvreté, de cette chère pauvreté qu'il appelait l'ami et la fiancée du Christ. Après avoir reçu ces paternelles recommandations, les fervents missionnaires s'en allaient par le monde, cherchant à lui communiquer, par leurs enseignements, et plus encore par leurs exemples, cette paix qu'ils goûtaient eux-mêmes avec tant de délices. Puis, quelque temps après, accompagnés des nouveaux frères qu'ils avaient gagnés aux ignominies de la croix, ils revenaient se reposer dans l'humble portioncule des fatigues de la mission, en écoutant avec amour et respect les touchantes instructions de leur père. Oh, sans doute, ils étaient bien doux les embrassements de cette réunion où tous se racontaient avec simplicité les travaux et les succès de leur mission, ce qu'ils disaient surtout alors avec un incroyable plaisir, c'était les insultes et les mauvais traitements qu'ils avaient endurés. C'était un si grand bonheur pour eux que de souffrir comme leur bon maître. Cependant, l'Italie ne suffisait plus à l'activité du zèle ardent de François. Son cœur, aussi grand que le monde, était dévoré du désir de soumettre toute la terre à son Dieu. Gonfalonié du Christ, il court, l'étendard de la croix à la main, par toutes les villes, par toutes les bourgades, disant à tous, « Vous, qui désirez l'unique perle de l'Évangile, il entendait la pauvreté volontaire, venez, associons-nous, vendez vos biens, donnez-les aux pauvres, venez avec moi, libres de tout soin terrestre, venez, nous ferons pénitence, venez, nous louerons Dieu en simplicité et en pauvreté. » L'Italie, la France, l'Espagne, la Navarre, les côtes barbares du Nil et du Jourdain entendent François redisant l'amour de Dieu pour les hommes. On le vit, avec son habit pauvre et déchiré, avec son extérieur chétif et son visage défait, on le vit évangélisant de toute l'ardeur de sa foi et de son amour, prêchant partout avec une sainte hardiesse l'abnégation et le renoncement absolu. Vous l'eussiez rencontré chantant le long des routes des cantiques en français, et disant à tous ceux qu'il rencontrait, que lui et ses frères n'étaient que les musiciens du bon Dieu, ne voulant d'autre salaire que la pénitence des pécheurs. À cette voix toute brûlante de charité, les peuples accouraient en foule pour entendre et voir cet homme dont on racontait des choses si merveilleuses. Telle est l'autorité de sa parole, que les spectateurs du prophète de la Mecque ne sont point indignés des reproches véhéments qu'il leur adressait de ses invectives contre Mahomet, ils ne peuvent s'empêcher d'admirer le zèle, la fermeté et l'abnégation de l'intrépide missionnaire, et, dans leur admiration, il le comble d'honneur. La nature elle-même obéit à sa voix. On vit les animaux entrer avec lui dans des rapports familiers, et lui devenir soumis, comme autrefois, suivant les traditions antiques, ils obéissaient à l'homme avant sa chute. Souvent aussi, des apparitions de la divinité, des extases, venait rafraîchir cette âme tout enflammée de l'amour de Dieu, et d'ineffables communications s'établissaient entre Jésus et ce pauvre moine, dont la vie admirable, ses cris d'antre, se chanterait mieux parmi les gloires du ciel. Confer Paradis chant 21. Note. En la 18e année de sa pénitence, Saint François ayant passé 40 nuits dans l'éveil, eut une extase, à la suite de laquelle il ordonna à frère Léon de prendre une plume et d'écrire. Alors, il entonna le cantique du soleil, et, après qu'il l'eut improvisé, il chargea frère Pacifique, qui dans le siècle avait été poète, de réduire les paroles à un rythme plus exact, et il ordonna que les frères les apprissent par cœur pour les réciter chaque jour. Les paroles du cantique étaient celles-ci, « Très haut, tout puissant et bon Seigneur, À vous appartiennent les louanges, la gloire et toute bénédiction. On ne les doit qu'à vous, et nul homme n'est digne de vous nommer. Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les créatures, et singulièrement pour notre frère Messire le Soleil, qui nous donne le jour et la lumière. Il est beau et rayonnant d'une grande splendeur, et il rend témoignage de vous, ô mon Dieu. Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles. Vous les avez formées dans les cieux clairs et belles. Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le vent, pour l'air et le nuage, et la sérénité et tous les temps, quels qu'ils soient, car c'est par eux que vous soutenez toutes les créatures. Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l'eau, qui est très utile, humble, précieuse et chaste. Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le feu, par lui vous illuminez la nuit, il est beau et agréable à voir, indomptable et fort. Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous soutient, nous nourrit, et qui produit toutes sortes de fruits, les fleurs d'après et les herbes. Saint François ayant appris que l'union était brisée entre l'évêque d'Assise et les magistrats de cette ville, ajouta ces paroles à son cantique. Loué soyez-vous, mon Seigneur, à cause de ceux qui pardonnent pour l'amour de vous, et qui soutiennent patiemment l'infirmité et la tribulation. Heureux ceux qui persévèrent dans la paix, car c'est le Très-Haut qui les couronnera. Plus tard, François ayant été conduit à Foligno, pour y rétablir par le changement d'air sa santé altérée, il éprouva quelque adoucissement à ses douleurs, mais bientôt il apprit par révélation qu'il souffrirait encore 2 ans, après quoi il entrerait en possession du repos éternel, et, ravi de joie, il composa le verset suivant, par lequel il termina le cantique. Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à celui qui meurt en péché mortel, heureux ceux qui, à l'heure de la mort, se trouvent conformes à votre très sainte volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce, et servez-le avec une grande humilité. Cette façon de composer peu à peu, selon l'inspiration du cœur et le besoin du moment, dit Ozenam, rappelle tout à fait la manière des grands poètes, comme Dante, comme Camoens, portant dans leurs voyages et leurs exils l'œuvre qu'ils avaient conçue, et y ajoutant au jour le jour l'expression toute brûlante de leurs douleurs ou de leurs espérances. Le poème de Saint François est bien court, et cependant on y trouve toute son âme, sa fraternelle amitié pour les créatures, la charité qui poussait cet homme humble et timide à travers les querelles publiques, cet amour infini qui, après avoir cherché Dieu dans la nature et l'avoir servi dans l'humanité souffrante, n'aspirait plus qu'à le trouver dans la mort. On y sent comme un souffle de ce paradis terrestre de l'ombrie, où le ciel est si doré et la terre si chargée de fleurs, le langage a toute la naïveté d'un idiome naissant, le rythme toute l'inexpérience d'une poésie peu exercée, et qui contente à peu de frais des oreilles encore indulgentes. Les délicats auront quelque peine à y reconnaître les conditions régulières d'une composition lyrique. Ce n'est qu'un cri, mais c'est le premier cri d'une poésie naissante, qui grandira et qui saura se faire entendre de toute la terre. Poète franciscain, 91 et 92. Nous avons remarqué que Saint François chantait souvent en français, c'est qu'en effet, l'éducation littéraire du Saint Patriarche s'était faite moins par les études classiques, auxquelles il donna peu de temps, que par la langue française, déjà considérée en Italie comme la plus délectable de toutes, est la gardienne des traditions chevaleresques qui polissait la rudesse du Moyen Âge. Il avait un secret penchant pour ce pays de France, auquel il devait son nom, il en aimait la langue, bien qu'il s'y exprimât avec difficulté, il la parlait avec ses frères. Il faisait retentir de cantiques français les forêts voisines, on le voit, dans les premiers temps de sa pénitence, mendiant en français sur l'escalier de Saint-Pierre de Rome, où, tandis qu'il travaillait à la reconstruction de l'église de Saint-Damien, s'adressant en français aux habitants et aux passants, pour les inviter à relever la maison de Dieu. Fin de la note. Un matin, vers la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix, pendant que François priait sur l'Alverne, rocher après sauvage, où souvent il allait se reposer des fatigues de l'apostolat, un séraphin, qui avait six ailes ardentes et lumineuses, descendit vers lui d'un vol rapide. Quand il fut proche, le saint vit entre ses ailes la figure d'un homme, dont les mains et les pieds étaient attachés à une croix. Cette vision le jeta dans l'étonnement, il se sentit saisi d'une joie mêlée de tristesse, et il comprit que ce n'était pas par le martyre du corps, mais par l'ardeur de la charité qu'il devait être transformé en la ressemblance de Jésus-Christ crucifié. La vision disparut, et saint François en ressentit aussitôt les merveilleux effets, car, dès lors, une fournaise d'amour s'enflamma dans son âme, et son corps fut honoré des sacrés saints stigmates. Cette stigmatisation, cette passion sur le mont Alverne, est le point culminant de la vie de saint François, c'est aussi son couronnement et sa perfection ici-bas. Aussi, dès ce jour, notre bienheureux n'appartient plus à la terre que par des liens extérieurs que l'amour dissout de plus en plus, et qui finissent enfin par se briser entièrement pour laisser son âme s'envoler vers les cieux, 1226. Note. On a donné aux plaies de saint François le nom de stigmate, qui est le terme dont saint Paul se sert pour exprimer les marques et les cicatrices des coups et des blessures qu'il avait reçues pour la gloire de son maître. Ce terme est pris de l'usage des anciens, qui imprimaient certains caractères sur le corps des esclaves et des soldats nouvellement enrôlés. L'apôtre mettait sa gloire dans ses cicatrices comme dans des marques royales, dit saint Chrysostome, et ses stigmates, en le rendant conforme à Jésus-Christ, attestait tout à la fois qu'il était son serviteur et son soldat, et qu'il en avait bien rempli les fonctions. Grégoire IX écrivit trois lettres apostoliques pour confirmer la vérité des stigmates de saint François. Elles furent adressées en 1237, la première à tous les fidèles d'Allemagne, la seconde à l'évêque d'Olmutz, et la troisième au supérieur de l'ordre des frères prêcheurs. La vérité de ces stigmates étant d'une notoriété incontestable, et autorisée de Dieu par des miracles sensibles, le pape Benoît XI voulut, en 1304, que l'on en célébrât la fête tous les ans, avec un office double. L'an 1337, sous le pontificat de Benoît XII, il fut ordonné, au chapitre général des frères mineurs qui se tenait à Cahors, que cette fête serait célébrée solennellement dans tout l'ordre, et on pria Gérard Odon, ministre général, d'en composer un office propre, qui est celui que l'on récite encore maintenant. Toutefois, le témoignage authentique par excellence est le mont Alverne lui-même. Oublié dans l'histoire jusqu'alors, il devient, aussitôt après le miracle des stigmates, un lieu important et sacré aux yeux des puissances de la terre et des simples fidèles. La montagne d'Alverne est sur les confins de la Toscane, assez près de Camaldoli et de Vallombreuse. Elle fait partie de la chaîne Apennine, mais elle s'en détache et la domine, et, à plusieurs milles, on voit son imposante masse de rochers couronnée de grands hêtres. Après 4 heures de montée dans des chemins raides, étroits, bordés de précipices profonds ou de quelques champs dont l'algue blanchâtre atteste l'infécondité, on arrive sur le plateau incliné du sommet. Le couvent qui s'y trouve est irrégulier comme le sol, la porte, basse et massive, posée sur des rocs, rappelle la porte des manoirs féodaux. Vous êtes dans une petite cour carrée, en face est un portique soutenu de 2 colonnes, c'est l'entrée de l'église mineure, le plus ancien monument de l'Alverne. Sur la porte à plein cintre est un bas-relief antique, représentant la stigmatisation de Saint François. De chaque côté sont les armes du comte Orlando, une croix et 3 fleurs de lys, glorieux souvenir pour un Français. À droite est la porte du couvent, surmontée des armes de Florence, du pape Eugène IV, et de cette puissante confrérie des artisans en laine, berceau des Médicis. Dans une partie du couvent sont les hospices des nombreux pèlerins qui, chaque jour, viennent vénérer la mémoire de la grande merveille des stigmates. Personne n'a frappé à la porte sans être reçu. Noble et généreuse hospitalité, où l'on partage les aumônes des frères, où l'on est servi par des mains sacerdotales avec un dévouement qu'il est impossible de reconnaître. L'église mineure est basse, simple, divisée en 3 parties par une fort belle grille en fer. Le maître-autel est décoré d'une magnifique assomption du célèbre André della Robbia. On entre de là dans l'église principale, qui remonte au milieu du XIVe siècle. Elle est éclairée, spacieuse, flanquée d'une belle tour, et entourée d'un portique d'où l'on découvre le plus immense paysage dont il soit possible de se faire une idée. D'un côté, ce portique se prolonge jusqu'à l'église des stigmates, dont la voûte est tout azurée avec des étoiles d'or. Au milieu, sous une grille, est le lieu à jamais banni, où François était agenouillé pendant la stigmatisation. Tous les jours, après complet et toutes les nuits, après matine, les religieux vont en procession de l'église principale à l'église des stigmates. On reste profondément ému quand on voit ces religieux, avec leurs grands manteaux bruns, défiler 2 à 2 sous les arceaux du portique, chantant des hymnes entrecoupés de repos, pendant lesquels on n'entend que le bruit des pas sur les dalles, le son de la cloche et le murmure du vent dans le feuillage des hêtres. Pendant l'office, lorsqu'on entend les divines harmonies de l'orgue, l'âme monte vers Dieu, les bruits de la terre se taisent, et il n'y a plus que le retentissement infini de ces concerts angéliques qui consolaient et réjouissaient François dans sa solitude. Chaque partie de la montagne est consacrée par une tradition vénérable. La priait et méditait Saint Bonaventure. Là, dans la petite chapelle de Saint-Sébastien, le démon voulait précipiter François dans l'abîme. Là est l'oratoire où le bienheureux Jean d'Alverne conversait familièrement avec Jésus. Là sont des êtres contemporains de Saint François. Il aimait à se retirer dans cette grotte pour y contempler les adorables grandeurs du Christ. Pieux et touchant souvenir. Voyez la description plus détaillée de l'Alverne, dans l'histoire de Saint François d'Assise, par Monsieur Chavin de Malan, chapitre 14. Fin de la note. Il nous est facile maintenant de comprendre le rang distingué que Saint François occupe dans les annales de l'Église. Cette vaste influence sur son siècle, la fondation d'un ordre si répandu, si puissant et si utile, l'ont mis, à juste titre, au nombre des hommes vraiment providentiels. Cependant, son affection pour la pauvreté, sa profonde abnégation, sa puissance sur la nature sensible et ses communications avec Dieu, n'ont point échappé à la sévère critique de l'incrédulité. La grâce s'y montrait avec trop de splendeur, l'évangile de la croix et sa folie sacrée s'y présentaient avec trop de rudesse, pour ne pas heurter les idées du monde et s'attirer ses sarcasmes. Aussi les outrages ont-ils été poussés jusqu'à l'excès, et le pauvre disciple a plus d'une fois été cloué, comme son maître, au gibet de la risée publique. Il en sera toujours ainsi, tant que l'on étudiera la vie des saints qu'avec les seules lumières de la sagesse humaine. Ce n'est qu'au flambeau de la foi que les ténèbres se dissipent et que le jour se fait. Notre intention n'est pas de réfuter ici les paradoxes de l'incrédulité, la question que nous nous proposons d'examiner n'est pas non plus de savoir, en général, si les faits merveilleux sont possibles en eux-mêmes. Dieu peut-il faire un miracle? Cette question sérieusement traitée, dit le philosophe de Genève lui-même, serait impie si elle n'était absurde, ce serait faire trop d'honneur à celui qui la résoudrait négativement que de le punir, il suffirait de l'enfermer. La voix unanime et constante des peuples pour reconnaître l'intervention immédiate de la divinité dans les actions humaines, prouve évidemment sa possibilité. D'ailleurs, le merveilleux de la vie des saints a toujours passé pour indubitable dans l'Église. À chaque page, ses annales réclament la croyance au miracle et à la communication réelle entre les êtres spirituels et l'homme. Quant aux principaux faits merveilleux qui se trouvent relatés, en particulier, dans les Fioretti, il est impossible aux vrais catholiques de les révoquer en doute, puisqu'ils sont consignés dans le procès de la canonisation de Saint François, et que l'Église en a reconnu solennellement l'authenticité. Nous dirons plus, un homme sage et sans préjugés ne saurait logiquement les rejeter sans tomber dans un scepticisme exagéré, car nous défions de citer une seule histoire des temps anciens qui soit composée par des hommes plus dignes de confiance, et confirmée par des témoignages plus nombreux et plus imposants. Mais, encore une fois, l'examen de ces questions générales n'est point ici notre but. Nous n'essaierons qu'une seule chose, donner la raison particulière de la vie de Saint François, montrer le dessein de Dieu sur lui, la mission à laquelle il le destinait. Les saints proposés à notre vénération n'ont obtenu le culte que nous leur rendons que par l'application qu'ils ont apportée, pendant leur vie, à se rendre conformes à Jésus-Christ, leur type primitif. C'est une vérité incontestable. Plus cette conformité s'est trouvée parfaite en eux, plus aussi leur gloire a jeté d'éclat, plus leur couronne immortelle a été précieuse. Mais, en étudiant attentivement la vie des plus grands saints, on reconnaît bientôt que cette conformité avec le Sauveur s'est manifestée plus spécialement en un point, qui est comme le centre où se résument toutes leurs autres vertus. C'est ainsi que, dans ces derniers siècles, Saint François de Sales fit paraître la douceur chrétienne avec tous ses charmes, et Saint Vincent de Paul, la charité la plus ardente et la plus universelle. Les prétendus sages du monde s'imaginent avoir fait beaucoup quand, mesurant ces grands hommes à leur misérable proportion, ils affirment avoir trouvé la raison de leur prodige dans leur caractère ou leur tempérament, mais Dieu, qui façonne toutes les natures comme il lui plaît, en juge bien autrement, et il sait bien que ses immuables desseins sur les élus sont la première raison des merveilles qu'ils opèrent. Saint François d'Assise avait donc, lui aussi, sa grande mission à remplir. Dieu avait donc sur lui un dessein tout spécial. Or, cette mission, ce dessein, Il n'est pas difficile de les découvrir. Saint François fut certainement suscité de Dieu pour rendre sensible au monde le mystère de la rédemption, le mystère de la croix, en le reproduisant dans sa personne. La croix, voilà la lettre qui tue, selon l'énergique expression des livres saints, la croix. Mais c'est là ce qui faisait le scandale des Juifs, et ce qui paraissait une folie aux gentils. N'importe, s'écriait le grand apôtre, pour moi, à Dieu ne plaise que jamais je me glorifie, si ce n'est en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous garde, nous aussi, de dépouiller saint François d'Assise de ce caractère d'extravagance qui blesse le sens humain, de cette folie de la croix. En faire un sage selon le monde, ce serait lui ravir sa plus belle couronne, ce serait mentir à l'histoire, ce serait ignorer profondément l'esprit de l'Évangile dont il fut le plus glorieux insensé. Aussi bien, pourquoi donc aurait-il rougi de la croix, et pourquoi serions-nous assez lâches pour en rougir nous-mêmes? N'est-ce pas la croix, avec toute sa folie, qui a sauvé le monde? Les hommes n'avaient pas voulu reconnaître Dieu dans les œuvres de sa sagesse, et Dieu, indigné contre la raison humaine, dit Bossuet, ne veut plus désormais qu'il y ait de salut pour elle que par la folie. Confère panégyrique de S. François. C'est pourquoi il ne garde plus aucune mesure. Non content de se montrer à sa créature, il vient s'unir à elle, il ne s'avance plus que par des démarches insensées, il saute les montagnes et les collines, du ciel à la crèche, de la crèche, par divers bonds, sur la croix, de la croix au tombeau et au fond des enfers, et de là au plus haut des cieux. Voilà cette illustre, cette généreuse, cette sage, cette triomphante folie du christianisme qui dompte tout ce qui s'oppose à la science de Dieu, qui rend humble et qui renverse invinciblement la raison humaine, en remportant toujours sur elle une glorieuse victoire. Ainsi comprise, la croix n'est plus la lettre qui tue, c'est l'esprit qui vivifie, c'est le flambeau divin qui éclaire l'âme en échauffant le corps. Développons donc cette sublime doctrine, et voyons son application dans la personne de saint François d'Assise. Dieu, dit un sage, est toujours un dans ses œuvres, parce qu'il aime la beauté, et que la beauté se résume dans l'unité. Soit qu'il agisse comme créateur du monde physique, soit qu'il gouverne comme régulateur du monde moral, il est toujours le même. Ses œuvres sont toujours d'accord et toujours elles tendent à un but unique et constant. Quel est donc ce but et cette fin de toutes les opérations de Dieu sur la terre? Les disciples du Sauveur le publient, leurs successeurs le répètent après eux, l'Église de tous les siècles le confirme, et l'univers entier le proclame, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui seul. La fin de la loi, dit le livre sacré, c'est le Christ, Romains 10, 4. 2000 ans de prodiges précéderont son avènement sur la terre, et l'on n'en verra pas un seul qui ne se rapporte à lui comme à son terme. 1800 ans se sont écoulés depuis qu'il est remonté vers son Père, et, sur la terre encore, tout s'incline au nom de Jésus, aussi bien qu'au ciel et dans les enfers. Oui, le Sauveur est vraiment la base solide et inébranlable de l'humanité tout entière, et quiconque oserait entreprendre de construire sur un autre fondement, verrait bientôt son frêle édifice s'écrouler et devenir le jouet des vents. Jésus-Christ, dit saint Paul, c'est celui que le Seigneur a constitué souverain sur toutes les créatures, et qu'il a donné pour chef à toute l'Église qui est son corps, Éphésiens, chapitre 1er. Aussi, voyons-nous que tout, ici-bas, nous rappelle ce bien-aimé Sauveur. Voyageurs étrangers sur la terre, nous n'avons qu'à lever les yeux et nous trouvons, à chaque pas, sur notre route, Des créatures qui publient ces merveilles. Disons plus, c'est Jésus-Christ crucifié que Dieu le Père a pris pour terme de ses œuvres. Tout est disposé pour ce grand dessein. Le Sauveur apparaît sur la terre revêtu des marques de la royauté, mais c'est sur le Golgotha qu'est élevé son trône. Il n'a pas d'autre pourpre que le sang qui coule de ses membres déchirés, pas d'autre sceptre que la croix. Nous voyons Jésus couronné d'honneur et de gloire, mais c'est qu'auparavant il a goûté la mort pour tous. Hébreux 2, 9. Il est tombé de la croix dans le tombeau, et, par un merveilleux contre-coup, tous les peuples sont tombés à ses pieds. Il a vaincu, non par le fer, mais par le bois. S. Augustin, in Psaume 54, numéro 12. Il fallait que le Sauveur fût l'homme pénitent par excellence, il fallait que, partout et toujours, le nouvel Adam se trouvât en opposition avec l'ancien, il fallait qu'il rachetât le monde en détruisant d'abord ce qu'il avait perdu. Et puis, dit encore Bossuet, sermon sur l'exaltation de la Sainte Croix, le Seigneur avait résolu de renverser Satan par ce qu'il dédaignait le plus. Il s'était élevé contre Dieu de toute sa force, Dieu descend contre lui armé seulement de faiblesse. Il avait voulu se faire le Dieu de l'homme, un homme est établi son Dieu. Il avait amené la mort sur la terre, et voici que la mort va ruiner ses desseins. Il avait fondé sa puissance en attachant les hommes aux honneurs, aux plaisirs et aux richesses, et les opprobres, la pauvreté, la croix en un mot, vont détruire son empire de fond en comble. Enfin, Satan avait pensé tromper l'homme en lui promettant, avec ironie, qu'il deviendrait semblable à Dieu, et voici que le Sauveur, en se faisant homme comme nous et en mourant pour nous, nous rend en effet participants à la divinité, aux merveilleuses puissances de la croix de Jésus. Jésus-Christ crucifié, voilà donc le terme de toutes les œuvres de Dieu. Mais Jésus-Christ, dit l'apôtre, c'est le verbe abrégé, il faut le développer, le commenter. Or, c'est à l'Église qu'est confiée cette mission, et c'est par le moyen de ces cinq qu'elle y parvient. Une foule d'intelligences sont arrêtées en présence de ces développements et de ces commentaires, dans l'impuissance où elles se voient de les pénétrer, elles blasphèment ce qu'elles ignorent, elles accusent d'incohérence et d'absurdité les choses les plus dignes de leur respect, mais c'est qu'elles n'ont pas étudié d'abord le texte fondamental, elles ne l'ont pas compris, et le reste n'est pour elle qu'une énigme impénétrable. Pour ceux, au contraire, qui sont allés demander humblement la lumière au pied de la croix, un rayon d'en haut descend sur eux, et tout leur paraît esprit et vie. C'est donc à cette clarté que nous devons étudier en particulier la vie de Saint François d'Assise. Et c'est alors seulement que nous nous reposerons avec amour et vénération dans la douce contemplation des vertus et des prodiges qu'elle nous présente. C'était un dessein manifeste de la divine providence de n'accomplir ses œuvres ici-bas que graduellement et avec mesure. Dieu pouvait d'un seul mot, d'un seul signe, d'un seul acte de sa volonté, faire éclore l'univers tout entier du néant. Il y met 6 jours, et il se repose le 7e. Aussi bien, pouvait-il donner tout d'abord à son Église sa plus vive splendeur, mais il veut encore suivre ici le plan général qu'il s'est tracé, et l'Église, elle aussi, n'atteindra sa perfection et sa maturité, qu'après avoir passé d'abord et successivement par les différentes phases que traversent les autres sociétés humaines. L'Église a commencé par l'enfance, et, pendant 3 siècles, elle a vu son berceau nager dans le sang, puis, elle a déployé librement son radieux étendard, et la croix a brillé sur le front des souverains. Au 13e siècle, cette fille du ciel en était à son adolescence. Sans doute, elle avait toujours ses promesses d'immortalité, mais le vaisseau qui la portait sur l'océan du monde n'était pas à l'abri des tempêtes, et les vagues plus agitées qui le pressaient semblaient présager une violente secousse. Au milieu des élans et des transports d'une vie surabondante, les hommes qui composaient alors la société chrétienne allaient peut-être oublier leur sublime origine. Possesseurs assurés d'une indépendance qui leur avait coûté si cher dans les premiers temps, ils semblaient s'y complaire, ils étaient impatients d'en faire usage et d'en jouir dans toute sa plénitude. Déjà le travail s'opérait en eux, on les voyait tressaillir et s'agiter. Mais non, Dieu voulait épargner cette épreuve à son Église, voici que les Bernards, les François d'Assise et les Dominiques se lèvent au milieu des peuples, des milliers de prodiges attestent leur sainteté, leur voix puissante retentit par tout le monde, et le vaisseau de l'Église vogue plus majestueux que jamais, et, dans son sein, la justice et la paix se confondent plus étroitement encore dans leurs mutuels embrassements. Parmi les hommes que Dieu daigna susciter alors pour opérer cette réaction, Saint François d'Assise apparaît chargé d'une mission plus spéciale et plus imposante, c'était lui qui devait renouveler avec éclat, à la face du monde, le mystère de sa rédemption, et voilà la raison et l'explication de tous ces prodiges. Et, en effet, que voyons-nous dans sa vie ainsi que dans celle de ses premiers compagnons, ce que le monde avait vu, 11 siècles auparavant, dans la personne de Jésus-Christ et de ses apôtres, l'homme affranchi des liens de la nature, l'homme pénétrant dans les secrets mystérieux de la nature, l'homme, enfin, dominant la nature et la ramenant à Dieu, et tout cela, par la seule moyen de la croix. François d'Assise a saisi dans ses bras la croix de son maître, il la presse amoureusement sur son cœur et ne veut pas d'autre partage. Dès lors, tout le reste lui devient étranger. Il voit autour de lui la foule insensée des voluptueux qui s'enivrent à la coupe des plaisirs sensuels, et qui ne trouvent au fond que la déception et le remords. Il voit des hommes avides qui s'épuisent pour amasser des richesses dont ils se font les esclaves quand ils ont pu se les procurer. Il voit enfin les ambitieux qui poursuivent, avec une incroyable activité, un fantôme de gloire qui leur échappe dès qu'ils croient l'avoir saisi. À ce spectacle, ils lèvent les yeux et jettent un regard sur sa croix. Ils voient Jésus-Christ devenu le Rédempteur du monde par l'effusion de son sang. Ils voient un Dieu pauvre, triomphant de tous les riches de la terre. Ils voient le Sauveur couronné d'épines, abreuvé de moqueries et d'outrages, et lui-même aussitôt renonce à tous les plaisirs, pour châtier et dompter par l'esprit sa chair infirme et rebelle, il foule aux pieds tous les trésors, et prend la pauvreté pour son unique héritage. Il serre plus vivement encore sa croix chérie, et, comme l'apôtre, il ne veut plus mettre ailleurs sa gloire, sa sagesse et sa puissance. Heureux spectateur de la croix qui trouve au pied du Christ une si belle et si complète indépendance. La philosophie nous vend bien haut sa liberté, elle prend en pitié les misérables esclaves de la croix, qu'elle essaie donc de former des hommes aussi vraiment indépendants que Saint François d'Assise. Ô le noble et glorieux vassal qui ne relève plus que de Dieu, par la croix, avons-nous dit encore, l'homme possède l'intelligence de la nature. Quand une fois, en effet, on a bien compris la fin générale de toutes les œuvres de Dieu, quand on ne voit plus, dans tous les êtres créés, que des moyens établis pour arriver à cette fin, tout alors, dans la nature, se coordonne et s'harmonise dans un ensemble merveilleux, tout s'explique, et la moindre créature devient un emblème et porte sa signification. Aussi, voyez François d'Assise, cet amant passionné de la croix, c'est Jésus, son bien-aimé Jésus qu'il voit partout et toujours. Il s'en va parcourant les forêts, il l'appelle, il le demande aux arbres eux-mêmes, en les serrant dans ses bras. Et puis, rien n'est plus étranger pour lui dans la nature, les oiseaux, ce sont ses petits frères, le soleil, c'est son frère aussi. Et certes il disait vrai, cet homme de Dieu, car enfin, c'est bien aussi pour glorifier le maître du monde que les animaux et les astres ont été tirés du néant, et, malgré l'infériorité de leur nature sur celle de l'homme, ils n'en sont pas moins associés à lui pour former, en l'honneur de leur commun auteur, un concert d'adoration et d'amour. Enfin, un troisième privilège que saint François d'Assise trouva dans la croix, c'est la domination sur la nature. Lorsque Jésus, pendant sa vie, commandait aux éléments, enchaînait les tempêtes, affermissait les flots sous ses pas, et qu'il voyait ses disciples demeurer saisis d'étonnement, il leur reprochait leur peu de foi et les assurait qu'ils n'avaient qu'à croire en lui pour opérer des choses plus merveilleuses encore. Et, en effet, voici qu'après plus de 1100 ans, un pauvre moine s'abandonne à lui sans partage, ne recherchant, comme lui, que les souffrances et les ignominies de la croix, et la nature lui devient soumise. Il avait dit au Seigneur avec le psalmiste, « Me voici, mon Dieu, pour faire votre volonté. » Psaume 39, 8 et 9. Et Dieu lui donne le change, il se met lui-même à son service, lui promettant de faire la volonté de ceux qui le craignent. Psaume 144, 19, et lui disant avec une bonté toute paternelle, « Mon fils, vous avez toujours été avec moi. Tout ce qui est à moi vous appartient. » Luc 15, 31, qu'on ne cherche pas ailleurs le secret de la puissance merveilleuse de saint François sur les créatures, l'arme puissante, la seule arme dont il se soit servi pour dompter la nature. C'est la croix, et, pour que personne ne s'y méprenne, c'est presque toujours en vertu du signe de la croix qu'il opère ses prodiges. Et maintenant, pour ceux que ces raisons ne convaincraient pas encore, il nous reste une dernière réponse, un dernier mot, et ce mot devrait être compris, car il s'adresse au cœur. Vous me demandez la raison de cet attrait excessif pour l'abnégation et la pauvreté, de ces épanchements affectueux à la vue des beautés de la nature, et de cette domination sur les êtres créés. Et moi je vous réponds qu'elle se trouve dans l'amour divin qui dominait le cœur de saint François d'Assise. L'amour divin, à nos âmes froides et languissantes sont loin de comprendre tout ce qu'il a de puissant et de suave, mais il le sentait bien. Ces hommes qui pensaient voir les liens de leur corps se dissoudre par l'ardeur et l'impétuosité des flammes qui les consumaient. C'était cet amour qui faisait oublier à notre bienheureux les souffrances auxquelles il s'astreignait, car il n'y a plus de peine quand on aime. Sitôt que quelques rayons de cette première beauté commencent à paraître sur nous, dit saint Basile, notre esprit, transporté par une ravissante douceur, perd aussitôt la mémoire de toutes ses autres occupations. Il oublie toutes les nécessités de la vie. Nous aimons tellement cet amour bienheureux et céleste, que nous ne pouvons plus sentir d'autres flammes. In Psaume 44, numéro 6. C'était sous l'influence de cet amour divin que saint François exerçait sur les créatures un commandement absolu, et qu'elles semblaient forcées, par une vertu secrète, de faire sa volonté. C'était sous son impulsion, qu'il se portait jusqu'aux extrémités de l'héroïsme et du dévouement chrétien. Dans l'ivresse de cet amour surnaturel, il ne se possédait plus lui-même, c'était l'Esprit de Dieu qui l'entraînait. C'était comme une force irrésistible qui le pressait, c'était enfin une sainte et ardente passion qui l'absorbait tout entier. Uni à Dieu par la plus étroite charité, Il était lui-même comme un dieu, ne formant plus, selon l'expression de l'apôtre, qu'un même esprit avec lui, Corinthiens 6, 17. La croix et l'amour, voilà donc, en deux mots, ce qui explique toute la vie de saint François d'Assise. Après cela, s'il est encore de ces hommes qui se ferment les yeux pour ne pas voir et les oreilles pour ne pas entendre, s'il en est encore qui s'obstinent à ne voir, dans les entretiens de saint François avec les esprits célestes, que le produit d'une imagination surexcitée, dans sa puissance sur la nature, que l'effet naturel d'une espèce de fascination magnétique, et dans ses rudes macérations, qu'un misérable fanatisme, nous ne les condamnerons pas, mais nous les plaindrons dans la sincérité de notre cours, nous prierons pour eux, et nous bénirons Dieu de nous avoir donné plus d'intelligence et plus de foi sur les choses merveilleuses qu'il opère par ses saints. Nous ne dirons rien de notre traduction, des soins que nous avons apportés pour y conserver, autant que possible, la simplicité et la naïveté d'expression qui se trouvent dans l'original. Nous ne dirons rien non plus des nombreuses difficultés que présentait un pareil travail. Elles ne pourront être justement appréciées que par ceux qui connaissent le texte italien. Note. Nous avons eu l'avantage d'avoir à notre disposition quatre éditions différentes des Fioretti, et deux manuscrits très anciens et très précieux de cet ouvrage, qui se trouvent à la Bibliothèque royale. Mais nous nous sommes attachés spécialement à l'édition de Vérone, 1828, qui a servi de type à toutes celles qui ont été faites, depuis, en Italie. Nous ne nous en sommes écartés que lorsque les variantes des manuscrits nous paraissaient évidemment préférables. Nous avons adopté, dans les titres, la formule des anciens légendaires français, comment saint François, etc., elle n'est, du reste, que la traduction littérale du texte italien, comme San Francesco, etc. Fin de la note. Mais, nous l'avouons, ces difficultés nous ont été douces à surmonter. Nous n'avons travaillé au Fioretti que pendant les loisirs que nous laissaient des études plus importantes et plus sérieuses. C'est là que nous allions chercher nos délassements, et ce repos nous a toujours été délicieux. Oui, nous nous rappellerons longtemps encore ces jours où nous nous retirions dans un bois solitaire, pour y traduire les merveilleuses prédications de François à ses petits frères et à ses petites sœurs les oiseaux, environnés nous-mêmes d'une nature qui se présentait avec tous ses charmes. Nous n'avions pas de peine à nous identifier avec ses sentiments, et jamais poésie ne nous avait paru plus suave. Ô saint François d'Assise, je vous rends grâce pour les consolations que m'a procurées la méditation de votre admirable vie et de vos sublimes vertus. Puissé-je en profiter pour le salut de mon âme? Puissé-je devenir, comme vous, humble et pauvre sur la terre, et recevoir ensuite avec vous, dans les cieux, la couronne de la bienheureuse immortalité. Paris, 4 octobre, jour de la fête de saint François d'Assise.